Étang, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Catherine Debras qui vient nous parler cette fois de son livre « Rien qu'une vie, un an à Constantine pendant la guerre d'Algérie » publié aux éditions Kairos. Bonjour Catherine. Bonjour Mona. Alors tu es toujours professeure agrégée de lettres à Nancy. Comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et écriture ? Eh bien, j'écris plutôt pendant les vacances, donc ça me permet d'avoir du temps par rapport aux tâches habituelles de la vie de professeur, qui est un métier prenant, c'est vrai. Alors j'ai noté sur la quatrième de couverture que tu mets professeur au masculin. Tu n'aimes pas la féminisation des professions ? Pas tellement, non, effectivement. Bon, je trouve que c'est laid. Moi aussi, pareil. Toi aussi ? Donc oh, bon, on est d'accord, tu vois. Alors, parle-nous de Rien qu'une vie. Donc, en fait, c'est un livre que j'ai écrit à partir d'un récit de mon père, parce que mon père avait écrit l'ensemble de sa vie. Donc, il a écrit sa vie à lui, celle de ses frères et sœurs, de ses parents. Et dans cette vie, dans ce récit de vie, il y a un épisode de la guerre d'Algérie, donc, qui est un épisode très important pour lui, parce que ça l'a énormément marqué. Donc il est parti, en fait il s'est engagé volontairement dans la guerre, parce que normalement il ne devait pas y aller, puisqu'il avait un de ses frères qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale, donc normalement il ne devait pas y aller. Et c'est lui qui s'est engagé en fait volontairement dans cette guerre, et ça va complètement le transformer en fait. Donc il part à 23 ans, c'est l'année où il va aussi se marier avec maman, et donc il va partir de son petit village de Moselle, mmh. et puis se retrouver donc à Constantine pendant cette guerre-là. D'accord. Alors c'est un récit doux amer qui raconte donc l'histoire de ton père et de sa famille. On peut dire que c'est un récit à deux voix puisque tu t'es servi et de ses souvenirs et des tiens. Oui, tout à fait. Oui, voilà. En fait, j'ai gardé la trame qui était la sienne, en fait, son récit à lui, et je me suis ingéniée en quelque sorte à introduire d'autres éléments, donc sur ma vie à moi, effectivement, celle de mon frère, et puis aussi des parallèles entre Constantine et la Moselle, par exemple sur la question de la pauvreté, mmh. qui est une question très importante. Donc mon père venait d'une région sinistrée, puisque donc avec l'arrêt de la sidérurgie, donc la Moselle va perdre énormément beaucoup d'emplois, l'usine où travaillait mon père, mon grand-père, etc. C'est ArcelorMittal maintenant, en fait on en a beaucoup entendu parler. Oui. Et à Constantine, donc il y avait une grande pauvreté, parce que l'Algérie était et reste encore un pays extrêmement pauvre. Donc ça l'a beaucoup frappé et ça lui a rappelé aussi sa région. D'accord. Alors pourquoi s'est-il porté volontaire alors que, comme tu l'as dit, il pouvait être exempté du service au moins en Afrique du Nord ? Eh bien en fait, il y a été poussé par ses amis qui partaient tous à la guerre. Il s'est senti coupable de ne pas partir. Mm-hmm. Et puis bon, c'était, comme il le dit, un coup de folie qu'il a pris. Donc avec ce coup de folie, il était parti alors qu'en fait il était profondément, au fond il était très pacifiste, antimilitariste, donc ça a été une drôle de décision. Oui, c'est sûr, parce qu'en fait à cette époque il y avait beaucoup d'appelés qui partaient effectivement en Algérie. J'ai vu que tu notais qu'il y avait 2 millions de soldats qui auront traversé la Méditerranée entre 1955 et 1962, c'est énorme. Énorme, voilà, donc en fait ils sont allés... vraiment massivement là-bas, contraints et forcés. Donc, mon père, il est parti aussi pour ne pas rester tout seul. Donc voilà, c'était un drôle de choix parce qu'en plus, il devait se marier cette année-là, donc il aurait très bien pu ne pas revenir de la guerre. Oui, c'est sûr. Alors son devoir moral passait avant son devoir filial ? Parce que la famille avait déjà subi pas mal de malheurs quand même. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il n'a pas tenu compte de ses parents, finalement, quand il est parti comme ça, enfin, pas consciemment. Oui. Il l'a fait sur un coup de folie, justement. Oui, d'accord. Alors, tu peux nous parler de l'histoire de ses parents, enfin, de sa famille ? Oui, voilà, donc c'est effectivement très important. Donc, ils étaient 11 frères et sœurs, tout de même. Mmh. Donc, son père était... sidérurgiste, donc depuis longtemps. Enfin, lui-même avait fait la guerre, en fait. Il était, pendant la Première Guerre mondiale, il était parti sur les bateaux de Guillaume II, donc du début à la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'il faut dire qu'ils habitaient à l'époque dans un territoire annexé. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, donc il est. Et puis c'était un homme assez bourru, mais très droit. Mm-hmm. Donc il a toujours été un exemple pour mon père, en fait. Et puis sa mère, c'était une dame beaucoup plus discrète, mais bon, elle s'est beaucoup donnée à sa famille, à ses enfants. Elle n'a pas compté ses heures de travail. Donc, et puis alors tous les frères et sœurs, donc là. Ils étaient tellement nombreux que l'aîné pouvait être le père du plus jeune. Oui. Donc, bon, ça a beaucoup compté. Et mon père comptait parmi les plus jeunes de la fratrie, en fait. Et voilà, oui, ils s'entendaient très bien. Il y avait toute une solidarité entre frères et sœurs dans sa famille. Et il faut parler du frère Jean-Marie, qui, lui, a dû donc faire une guerre un petit peu particulière. Oui, voilà. Donc, lui, en fait... Il est parti, il a été tué tout de suite, en fait. Et donc, c'était quelque chose de très douloureux dans la famille, effectivement. Oui, c'est sûr. Alors, on va faire une petite pause musicale. Donc, pour rester dans l'ambiance du livre, tu as choisi de nous faire écouter « Paris, tu m'as pris dans tes bras » d'Enrico Macias. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Ville de pierre où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. De Paris à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue Dufour. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la scène m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, toi Paris, je suis bien dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras. 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Catherine Debras. Donc après une sommaire préparation militaire, le voilà arrivé à Alger. Il est très vite confronté aux réalités de la guerre. Oui, voilà, parce qu'en fait quand le bateau arrive, il y a directement un conflit en fait avec des gens, des Algériens, et donc des échanges de coups de feu, quelque chose de très violent. Donc alors qu'il était dans le rêve quand même, parce que quand il est arrivé, comme il n'avait jamais voyagé, donc il est arrivé, il a vu cette ville magnifique devant lui, oui, tout blanc, donc, c'est voilà. Vrai, ça change du Cange. Et voilà, donc tout de suite, il est arrivé dans la réalité de la guerre, effectivement. Oui, il y a eu des coups de feu tout de suite, hein, quand ils ont débarqué. Hein, voilà. Alors, on ne peut pas parler de la guerre d'Algérie sans parler des exactions des uns et des autres. Alors, comment lui, naturellement bienveillant et plutôt pacifiste, a-t-il ressenti la torture? Ça a été un vrai traumatisme. Enfin, il était quand même averti, parce qu'il se tenait au courant avant de partir. Il lisait des journaux, etc. Donc, il savait que ça se passait. Mais en fait, c'était horrible pour lui de penser qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Et son plus grand souci, ça a été d'éviter d'être lié justement à la torture. Oui, parce qu'en fait, bon, quand on lit des choses, c'est comme... Bon, on se fait une idée, mais c'est quand on se retrouve face à la réalité, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà, donc il y a eu plusieurs fois où il a... En fait, il a été invité, entre guillemets, le mot n'est pas trop bien choisi, à participer donc à des séances de torture. Et il s'est toujours débrouillé pour refuser, mais ça lui a été amèrement reproché, justement, ce refus de la torture. Oui. Alors la guerre, c'est une histoire de soldats, mais c'est aussi une histoire d'hommes. Alors on y noue notamment des amitiés, notamment avec Charlie. Voilà, oui, alors le personnage, c'est, en fait, je l'ai inventé, Charlie. Ah, d'accord. Je suis très fière parce que je trouve qu'on dirait un vrai. Mais oui, on dirait un vrai. Je me suis fait piéger. Donc, et c'est vrai que ce personnage de Charlie, donc, qu'il rencontre sur le bateau ou qui le mène à Alger, oui. Il va l'accompagner, en fait, pendant tout son séjour. Et j'en ai fait une sorte de frère jumeau de oui. mon père, finalement, qui, comme lui... doit se marier dans l'année, est né le même jour que lui, voilà. Je m'étais dit c'est un peu trop beau, donc voilà, tout s'explique. Mais alors on y peut également certaines fois compter sur la solidarité des Lorrains. Je pense notamment à son retour après son mariage, parce qu'il est rentré en France pour se marier au cours de son service. Voilà, exactement, et effectivement... Il lui est arrivé de croiser des gens de son village ou des environs, en fait, qui lui ont donné des coups de main, enfin, qui ont été très sympathiques avec lui. Oui, je pense notamment à ce Lorrain, parce qu'il était revenu de son voyage de noces un petit peu tardivement, et donc il a raté le bateau, et c'est un Lorrain qui l'a sauvé, en fait. Voilà, exactement. C'est un Lorrain qui lui a fait un petit non pas un mot d'excuse, mais qui lui a... fait un petit papier en disant qu'il était arrivé, enfin qu'il n'avait pas pu prendre le bateau. Quoi. Oui, parce que le bateau était complet, et non voilà. Pas parce qu'il était en retard. Exactement. Alors, il n'y a pas que des appelés du côté français, il y a aussi des soldats aguerris. Alors, certains ont des amusements surprenants, je pense, aux 15 hommes du bataillon de Corée et leur divertissement à l'apéro. Tu peux éclairer nos auditeurs? Oui, effectivement. Donc, en fait, il y avait des gens... qui faisait, comme je l'ai écrit, deux têtes et une largeur deux fois plus grande que mon père. Oui. Et eux, en fait, c'était des brutes complètes. Et ils avaient donc une... Ils jouaient l'apéro à la grenade, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'amusaient à dégoupiller une grenade. Et il ne fallait pas qu'ils s'éloignent de cette grenade trop vite. Et donc après, quand la grenade explosait, voilà, on voyait, on tirait des conclusions de qui avait plus ou moins été courageux. Oui. Donc, et une fois, en fait, c'est arrivé et il y a quand même quelqu'un qui a eu un bras arraché, trois blessés. Voilà, c'est un exemple des amusements du bataillon de Corée. Oui, bien sûr. Non. Et tu disais que ça avait fait juste quelques commentaires, l'objet voilà. de quelques commentaires à l'apéro suivant. Quoi, c'est exactement, ça en fait. Ça n'a même pas été dramatisé, alors que c'était quand même grave. Ouais. Alors, il y a aussi, effectivement, ce sont des hommes et donc, qui ont quelques besoins. Alors, tu peux nous raconter sa mésaventure lorsqu'il est affecté pour une semaine à la garde du BMC 50. Et qu'est-ce que c'est que le BMC 50? Alors, le BMC, c'est le bordel militaire de campagne. Voilà. Donc, voilà, une autre réalité, c'est les militaires éloignés des femmes. Oui. Voilà, qui ont besoin de combler quelques besoins de la nature. Voilà. Et mon père, justement, avait été nommé comme garde de ce bordel militaire de campagne. Et donc, ça lui a permis de... par exemple, de faire connaissance avec une femme qui était un homme, en fait. Oui. Et un ancien militaire, d'ailleurs. Ancien militaire, exactement. Oui, oui, oui. Donc, ce qui devait être dans les premiers transsexuels, je suppose, à cette époque. Mm-hmm. Et ce qui est drôle, c'est que mon père l'a retrouvée à la télévision il y a peu de temps. Ah, d'accord. Il y avait une émission sur les transsexuels. Et en fait, il a retrouvé Bambi, en fait. Elle s'appelait Bambi, et, mais ouais, évidemment, elle était méconnaissable parce que 60 ans plus tard, évidemment, c'était difficile de la reconnaître. Mais voilà, il l'a retrouvée par hasard. Donc ça, c'est amusant aussi. Oui, oui. Et puis, bon, bah, il parlait aussi, effectivement, que bah, les hommes étaient un petit peu... Il y avait souvent des incidents, quand même. Hein. Voilà. Et donc, il était un peu obligé de taire ces incidents ou d'apaiser les choses pour que ces soldats ne soient pas punis, en fait. Hein. Oui, oui, voilà, exactement. Donc... il fallait être très diplomate. Très diplomate, voilà, pour gérer toutes ces histoires. Et bienveillant. Oui, oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, à la fin de cette semaine de garde, il est confronté à une fusillade. Les derniers clients sont pris pour cible par des tireurs embusqués et il y a plusieurs morts de chaque côté. Mais alors, il prend conscience qu'il ne peut pas s'attendrir sur la mort des rebelles. Tu écris « Une dureté que tu ignorais vient dévaster ton cœur. Tu pensais à tort, être assez intelligent pour échapper totalement à la haine. Mais n'est-ce pas inévitable d'être haineux en fait envers l'ennemi quelque part ?» Ah oui, mais je pense que ça lui est arrivé assez peu finalement, enfin, d'après son récit. Oui. Mais bon, là effectivement, dans un incident pareil qui met en jeu la vie des autres, bon, c'est sûr. Et puis le FLN, par exemple, va être... responsable de beaucoup d'abus. Oui, bien donc, sûr. Voilà. Non, mais je pense que la haine, même si ça ne dure pas, je crois qu'arrive un moment... Momentanément, quand on est impuissant à ce genre de choses, je crois que c'est inévitable, non? Oui, je pense aussi, oui, c'est vrai. Je crois que ça doit prendre au ventre, non? Oui, oui, oui, oui. Et certainement, c'est quelque chose qu'il a dépassé à un certain moment. Oui. Alors, pourtant, il reste profondément humain. Il réussit à faire abstraction des ordres aboyés par le colonel pour sauver une vie humaine alors qu'il est en train de passer le brevet de chef de section. Tu peux nous parler de ça? Oui, voilà. Donc, le brevet de chef de section, il l'a passé uniquement pour des raisons financières parce que s'il l'obtenait, il aurait une meilleure solde. Donc, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas négliger parce qu'il avait trop peu de moyens financiers pour négliger ça. Et donc, il y a une épreuve, donc il y avait une épreuve de combat, et donc il devait diriger une opération militaire contre un village. Et en fait, c'est vrai que à un moment il a tout arrêté parce que il a vu que des gens enterraient en fait un enfant. Donc il a tout arrêté. Et à ce moment-là, il s'est dit j'aurai jamais mon examen, c'est impossible. Et puis en fait, si il l'a quand même obtenu avec même des bonnes notes dans cette épreuve. Oui, comme quoi. Il a pensé quand même à déserter quelquefois quand il assiste à des massacres civils. Non, jamais en fait. Jamais. D'accord. Alors ça devait être particulièrement difficile pour lui qui avait de la sympathie pour ce peuple qui voulait son indépendance. Alors même s'il exécrait la brutalité de part et d'autre. Surtout ceux qui n'hésitaient pas à massacrer leurs compatriotes. Il était pour quand même l'indépendance quelque part. Ah oui, que clairement, enfin, ça c'est de plus en plus, en étant donc sur ce sol algérien, il s'est senti attiré par les indépendantistes. Il y a même une scène où finalement, il y a un membre du FLN qui lui confie son arme. Mmh. Mais bon, il lui confie son arme en se disant que il ne trahirait pas. Donc, et je suppose que ça devait aussi se voir, cette sympathie. Oui, ça ne devait pas être très bien vu. Non, non, non, non, mais là, c'est vrai que... il pouvait pas revenir comme... continuer sa carrière militaire. En fait, il a eu beaucoup de chance, non? Parce énormément. On pouvait mourir comme ça du jour au lendemain avec les attentats. Oui, oui, voilà, c'est vrai que c'est fou la chance qu'il a eue parce qu'il a quand même subi plusieurs attentats, des explosions, etc., sans être blessé même. Donc c'est une chance folle qu'il a eue finalement. Oui. Alors on ne sort pas indemne d'une guerre, quelle qu'elle soit. Alors il sait qu'il a changé et il se demande si J. épousé il y a quelques mois, le reconnaîtra et s'élèvera l'homme qu'il est devenu. Ça devait être effrayant quelque part. Oui, voilà, en fait, c'est vrai que maman était restée à l'attendre, à se faire du souci pour lui, etc. Et il devait se dire que, qu'il n'était plus le même, finalement, que l'homme qu'elle avait connu quand il était parti, qu'il connaissait que son petit village, sa famille, etc. Donc, il y a eu une peur très grande, effectivement. Oui, une peur de la perte d'innocence, en fait. Oui, oui, tout à fait, la perte d'innocence, absolument. Oui. Alors, nous allons faire une seconde pause musicale et tu as choisi cette fois de nous faire écouter Caleb Sheba. Sheba, pardon, de Caleb. Deux sortes d'hommes, ceux qui se glorifient de leur fait d'armes et sont de toutes les commémorations, et ceux qui n'ont jamais pu parler de ce qu'ils ont vu. Il faisait partie de quelle... De la deuxième catégorie, clairement. Oui, oui. Il a toujours détesté les gens qui se faisaient valoir à cause de leur fait d'armes, justement. Et, au début du livre, je parle d'un ancien collègue qui vient et qui essaye de lui montrer tout ce qu'il a fait d'horrible... pour le provoquer, en réalité. Mm-hmm. Et si ça marche très bien, d'ailleurs. Mais et quand même, il essaye de se retenir, de ne pas le frapper. Et alors, l'écriture de son journal l'a apaisé, en fait ? Pourquoi il a écrit ce journal ? Le récit, en oui, fait. Oui, le récit. En fait, c'était surtout parce qu'il pensait à ses parents. Et il regrettait énormément que ses parents ne lui n'aient rien laissé derrière eux, qu'ils puissent... leur dire comment ils avaient vécu, finalement. Et donc, constatant cela, il s'est dit, voilà, moi, je ne vais pas faire la même chose. Je voudrais bien que laisser une trace, en fait, pour la famille proche. Donc, c'est pourquoi il a écrit sa vie et celle de sa famille. Ah oui, mais sa sœur, c'était sa tante qui avait laissé quand même un journal aussi. Oui, donc là, c'est vrai que c'est poignant, parce que une de ses sœurs préférées, justement, Marthe... est morte. Enfin, en fait, tout le monde a pensé qu'elle devait s'être suicidée parce que son mari était décédé et elle adorait son mari. Et elle est morte jeune, avec autour d'elle tous les cadeaux de Noël qu'elle destinait à ses enfants. Et elle avait écrit un journal, en fait, que j'ai eu entre les mains, que j'ai lu. Et c'est un journal où elle racontait, en fait, toutes ses difficultés financières. Et à la fin de ce journal, elle demandait à ses enfants surtout de ne pas la juger. Ouais. Alors, est-ce que ton père est retourné en Algérie ? Oui, il y est retourné une fois pour son travail. Oui. Et donc, il a loué un taxi à la journée. Il s'est promené, en fait, dans tous les lieux qu'il connaissait. Ça devait être poignant. Oui, c'était une expérience vraiment poignante. Et il a vu des tas de choses qu'il n'avait pas vues, qui évidemment, au bout de 10 ans plus tard... La ville avait dû changer aussi. Ville avait changé, il y avait une université qui avait été construite. C'est vrai que c'était plus la même chose. Quoi. Ouais. Et toi, tu y es allée ? Ben non, pas encore, en fait. Pas encore ? Non, parce qu'à voir les descriptions, etc., je me disais, je pense qu'elle a dû y aller. Tu t'es servi beaucoup du cahier de ton père. Là. Voilà, et puis je me suis beaucoup documentée, en fait. Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup documentée pour essayer de faire ressurgir les lieux, les monuments. Oui, et puis la guerre d'Algérie, parce qu'en fait, elle n'est pas très, très connue. Bon, peut-être que maintenant, ça fait partie des livres d'histoire, mais les générations précédentes, c'était trop tôt, donc on n'en parlait pas. Voilà, c'est vrai. Même quand on en parle à des jeunes, aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cet événement, vraiment. Et ils ne savent pas que l'Algérie a dû lutter pour son indépendance. C'est une guerre qui est un peu passée aux oubliettes, quand oui. même. Quoi. Pourtant, c'est parce que c'était une guerre sale, peut-être. Sans doute, je pense que c'est surtout pour ça. Oui. Puis la France n'a pas été très sympathique avec les harkis. Voilà, exactement. Je crois qu'il doit y avoir une espèce de sentiment de culpabilité. Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il y a un sentiment de culpabilité qui reste. Mm-hmm. Alors, tu as des projets d'écriture ? J'ai un projet, mais qui reste encore dans les limbes, en fait. Oui. Je me dis, j'arriverai pas à le faire, mais je vais quand même en parler. Oui. Ce sera une fiction ? Oui, voilà. Parce qu'en fait, finalement, c'est quand même ma tendance naturelle, c'est quand même la fiction. Donc, je pense en fait à l'histoire d'un basketteur américain qui a fait une partie de basket dans laquelle il a marqué 100 points, là du tout seul. Ah oui, c'est pas mal. Donc, je me suis déjà un peu renseignée, mais en fait, je me dis c'est impossible à faire parce que je ne connais pas les États-Unis, je ne connais pas le basket. Ah oui, d'accord. Oui, ça va demander du travail de documentation. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, ça, je ne sais pas, je repense quand même toujours à cette histoire-là. D'accord. Et tu étais déjà venue pour nous parler du maître de ballet. Tu n'as pas fait de suite au maître non, de ballet ? Non, il est resté comme ça, il est resté tout petit, tout jeune, ah oui, à l'aube de sa carrière. On aurait bien aimé savoir ce qu'il était devenu, Georges. C'est vrai, mais il faudra peut-être que j'y pense, effectivement. Ah oui, moi j'attends. Parce que je veux pas inventer moi-même la fin, donc voilà. Alors merci à Catherine Debras d'être venue nous parler de son récit « Rien qu'une vie, un an à Constantine pendant la guerre d'Algérie ». Alors au revoir à tous et à bientôt.